Ça boit, ça drague, ça, ça vole, ça braque, ça, ça fume, ça deal, ça tape, ça kill. Ça boit, ça drague, ça, ça vole, ça braque, ça, ça fume, ça deal, ça tape, ça kill. Et je tourne, tourne, tourne. Sur mon dick, y'a des bruits qui courent et j'fais le sourd, sourd, sourd. J'vous le dis, j'suis dans mon délire, passe-moi ton slug. J'fais un tour, histoire de le mettre sur une roue, passe-moi la skunk. Je suis tranquille dans ma bulle, tu me fais le costaud. Faut qu'on s'entende jusqu'à Boston. Je te connais, c'est mon pote, donne